Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'histoire d'un théâtre, le Théâtre du Soleil, car c'est un cas unique. Depuis plus de 50 ans, cette troupe a créé près d'une trentaine de pièces, réalisé 7 films, expérimenté tous les types d'écriture dramatique et rencontré un succès critique et populaire toujours d'actualité. Ce théâtre, qui n'est pas une institution publique mais qui ne fonctionne pas non plus comme un théâtre privé, est aujourd'hui connu dans le monde entier. Au cœur de cette histoire, il y a une femme et un lieu. Tous les jours, la cartoucherie de Vincennes, là où travaille et joue le Théâtre du Soleil, règne depuis 50 ans Ariane Nouchkine, metteur en scène et surtout chef de troupe, capitaine du navire, Soleil, garante des règles que le groupe a établies à sa fondation. Autant de rites et de méthodes qui, pour la plupart, perdurent. Malgré tout, au fil du temps, la troupe a évolué au gré des départs et des arrivées, elle s'est agrandie, mais l'esprit du Soleil, lui, est toujours là. Quel est donc cet esprit? Qui est Ariane Nouchkine? Comment expliquer une telle longévité, cette légende qui entoure la troupe? Répondre à ces questions, c'est s'interroger sur la force, la singularité, les enjeux que soulève le théâtre, un art dramatique en prise avec son temps et avec la société. Des questions que nous poserons également en seconde partie d'émission à notre invité, Julie Deliquet, metteur en scène à l'origine du collectif de théâtre In Vitro. Vous entendrez également un reportage d'Annel Verzo qui s'est rendu la semaine dernière au Théâtre du Soleil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. À quelques encablures du centre de Paris, il existe un lieu magique. Pour vous y rendre, il faut prendre la direction de Vincennes, s'arrêter au château, où une navette vous attend pour s'enfoncer dans les bois. Là, au milieu des arbres, se trouve la cartoucherie, le refuge du Théâtre du Soleil. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement que vous êtes muni d'habillés pour l'un des spectacles de la célèbre compagnie. Pour obtenir ce billet, vous avez appelé ce qu'au Soleil on a baptisé le bureau, pour ne pas dire standard. C'est qu'ici, on ne réserve pas dans l'anonymat d'Internet, on téléphone, c'est plus humain. Confiant, vous franchissez donc l'arche qui arbore le nom du lieu et d'emblée, la cartoucherie impose son temps et son espace, loin du tumulte et de la superficialité du monde. Vous avez suivi les conseils de la personne au bout du fil, alors vous êtes arrivé une heure avant le début du spectacle. D'ailleurs, devant les portes de la grande bâtisse principale, une partie des spectateurs attend déjà l'ouverture. Au-dessus de l'entrée s'affiche le titre du spectacle. Aujourd'hui, c'est une chambre en Inde. Hier, c'était 1789, l'âge d'or ou les éphémères. Et tout à coup, derrière la porte, on frappe. Une femme au visage familier sort. Le sourire aux lèvres, la gestuelle affirmée, le cheveu argenté, c'est Ariane Nouchkine, la chef de bande, qui vient elle-même découper votre billet. Comme il y a 50 ans déjà, elle accueille le public, le salue, le guide, l'oriente. À peine entrée, le voyage commence dans un vaste espace de restauration décoré aux couleurs du spectacle à venir. Mais n'est-ce pas déjà le spectacle qui commence? Car là, sous vos yeux, vous pouvez voir les comédiens qui se préparent. Ils se maquillent, s'habillent, jouent déjà leur rôle. Des livres sont à votre disposition. Ce sont ceux que la troupe a lus, étudiés, travaillés pour préparer le spectacle. Ce spectacle, justement, où il démarre. Alors, vous vous dirigez vers la scène. À quoi va-t-elle ressembler cette fois? Si vous êtes un habitué, vous savez qu'à chaque nouveau spectacle, l'espace change. La seule chose immuable, c'est l'inconfort des bancs en bois. Mais bon, vous passez outre, de toute façon, au théâtre. Ici comme ailleurs, on n'est jamais très bien installé. On ne vient pas pour ça, surtout ici. À l'entracte, vous retournez à la cantine. Et là, surprise, les personnes qui cuisinent et vous servent sont les comédiens que vous venez de voir sur scène. Retour plateau, reprise, fin du spectacle, des images, des mots et des sons plein la tête, vous repartez prendre votre navette. Le temps d'une journée ou d'une soirée, la magie de la cartoucherie a opéré. Il existe un rituel dans la Troupe du Soleil. À chaque nouveau spectacle, on déconstruit et reconstruit l'espace. Si bien que les sols et les sous-sols du théâtre gardent encore les vestiges des créations successives. Le temps d'un récit, nous devenons archéologues et nous partons sur les traces de 50 ans d'histoire d'une troupe unique en son genre. Il y Ariane Mouchkine, pourquoi avez-vous créé l'Association théâtrale des étudiants de Paris ? Écoutez, parce que moi, je voulais faire du théâtre mon métier. Et je en ce moment, vous êtes étudiante aux langues orientales. Oui. Et je voulais prendre contact avec le vrai travail du théâtre le plus vite possible. Vos études ne souffrent pas trop de cette façon du théâtre ? Beaucoup, énormément. Enfin, je considère ça comme mes études, plutôt. Vous voulez faire du théâtre plus tard ? Oui. En tant que quoi ? En tant que temps, ça, bien sûr. Tes palais brûlent, et mes guerriers se sont partagés tes femmes. Veux-tu les territoires du Nord ? Je les ai. Tu n'as conquis qu'une partie du royaume. Tu n'as qu'une armée, je le sais. Au sud et à l'ouest, mes troupes tiennent toujours. Le sort de la guerre peut changer. Tout commence à Paris. En 1959, Ariane Mouchkine a 20 ans et entame une année d'études à la Sorbonne. Elle revient tout juste d'Angleterre, où au cours d'une année à l'université d'Oxford, elle a une révélation. Inscrite à l'atelier théâtre de l'établissement, au retour d'une répétition, elle comprend « cet art sera sa vie ». Fille du célèbre producteur de cinéma d'origine russe, Alexandre Mnouchkine, la jeune femme baigne depuis toujours dans l'atmosphère du jeu et des plateaux. C'est donc tout naturellement que de retour en France, elle crée avec d'autres camarades l'ATEP, l'Association théâtrale des étudiants de Paris. Dès le départ, la troupe est animée par une ambition commune. L'idée d'un théâtre populaire, ouvert sur le monde, où les comédiens, pour la plupart amateurs, se formeraient par eux-mêmes et collectivement. À l'ATEP, on veut briser les carcans du théâtre classique, retrouver l'esprit de troupe, instaurer un nouveau rapport au public. Autant d'éléments qu'on retrouve dans la première création de la bande, Genghis Khan, mise en scène par Ariane Mouchkine et jouée aux arènes de Lutèce. À la lumière de cette expérience, pour tous les membres de l'ATEP, c'est clair, il faut créer une troupe professionnelle et tenter l'aventure. Mais votre troupe, vous l'avez fondée il y a combien de temps ? Nous l'avons fondée il y a un an, oui, un peu plus d'un an. Quel nom porte-t-elle ? Le Théâtre du Soleil. C'est une coopérative. Et vous êtes nombreux dans cette coopérative ? Nous sommes 12. Cela fait 4 ans qu'un certain nombre d'entre nous avions formé le projet de fonder cela. Et nous l'avons fait il y a un an. Et les acteurs, enfin une partie des acteurs, les administrateurs, etc., font partie du noyau initial. Et vous étiez à l'époque des débutants ? Oh, nous le sommes encore, je crois, malheureusement. Que s'est-il passé pendant ces 3 années entre la troupe étudiante et la coopérative ? Pour Ariane, un désir surgit comme une nécessité, un voyage sur les terres d'Asie. Elle part plusieurs mois pendant que ses compagnons continuent leurs études ou font leur service militaire. Mais l'avantage d'une bande, animée par un désir commun, c'est que malgré la distance et le temps, un pacte reste un pacte. Ainsi, de retour en France en 1964, Ariane Mouchkine retrouve ses partenaires de la TEP et le 29 mai 1964, ils créent officiellement leur troupe de théâtre. Et ils fondent une SCOP, une société coopérative et participative. Chacun des membres verse donc une part du capital à hauteur de 900 francs. Regroupés dans un même ensemble, il n'y a ni statut, ni hiérarchie entre acteurs, techniciens, metteurs en scène. C'est un peu Proudhon version planche. D'ailleurs, au départ, tous feront un peu tout, à salaire égal. Pour le moment, sans argent, la journée, chacun s'en va gagner sa vie. Et le soir, on se retrouve pour la création. Reste à trouver un nom qui puisse réunir le désir de lumière, de joie, de plaisir qui guide la troupe. Ce sera le Théâtre du Soleil. Quant au spectacle, le premier, c'est une œuvre de Maxime Gorki, Les Petits Bourgeois. Dans une petite ville de province, en Russie, en 1902. Le soir tombe. La salle commune de la famille Bessemenov. Buffet, table, piano droit. Et moi, je vais aller au théâtre. Personne ne m'accompagne. Si, moi. Qu'est-ce qu'on joue ce soir ? La seconde jeunesse. Encore ? Vous venez, Tatiana Vassilievna ? Non. Non, je crois que je n'irai pas au théâtre cette saison. Tous ces drames avec coups de revolver, lamentations et sanglots m'exaspèrent. Et moi, j'aime le théâtre terriblement. Tenez, par exemple, Don César de Bazan, gentilhomme espagnol. C'est magnifique. Un vrai héros. Je lui ressemble. Oh, voyons pas pour deux sous. C'est dommage. Si Si assez rapidement, c'est Ariane Nouchkine dans le rôle de metteur en scène qui est force de proposition, notamment pour les choix de texte, toutes les décisions sont prises collectivement. Les petits bourgeois rencontrent un certain succès, la troupe reçoit sa première subvention publique et continue son chemin. Après un passage par l'adaptation d'un roman, Le Capitaine Fracasse, qui ne rencontre pas son public, c'est avec un texte contemporain, La Cuisine, en 1967, que le Théâtre du Soleil accède vraiment à la notoriété. La troupe remporte 3 prix et le succès public. Au fil du temps, malgré les finances précaires, chacun abandonne son emploi pour se consacrer uniquement à l'aventure. Ensuite, le Soleil inaugure ce qui sera sa marque de fabrique. Apprendre en créant, toujours se renouveler, s'aventurer sur des terrains inconnus. Le classique avec Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, ou l'improvisation totale avec les clowns, qui constituent d'ailleurs en soi une grande école de jeu. Malgré le succès, pour Ariane Nouchkine, comme pour toute l'équipe, il manque encore quelque chose pour passer un cap. Et ce quelque chose, c'est un lieu. Je suppose que maintenant, pour vous, se pose le problème du logement, si j'ose dire. Ah oui, il se pose d'une façon vitale. On se demande de nouveau où est-ce qu'on va aller et où on va monter le prochain spectacle. Pour avoir un travail cohérent qui progresse non seulement dans, disons, dans le travail, l'esthétique, la technique, pour progresser un peu dans la connaissance de ce qu'on fait, bien, il faut s'adresser à un public qu'on peut connaître de plus en plus. Il faut qu'on arrive à se fixer pour faire un travail d'action culturelle, comme vous dites, cohérent. Nous sommes en 1970. Le Théâtre du Soleil a désormais 6 ans. Et un coup de téléphone s'apprête à changer sa vie. Un jour d'été, Ariane Nouchkine reçoit l'appel d'un ami architecte, Christian Dupavillon. Ce dernier l'avertit qu'il vient de visiter un ancien entrepôt militaire désaffecté. C'est une cartoucherie et elle se trouve à Vincennes. La metteur en scène s'y rend et découvre ces immenses hangars typiques de l'architecture industrielle du 19e siècle perdus dans les bois. Elle appelle le reste de la troupe qui tombe immédiatement sous le charme. Cette troupe, justement, elle a beaucoup évolué depuis sa création. Autour d'un noyau dur, elle a connu des crises et des mésententes, l'instabilité financière, les choix artistiques, la difficulté de tenir toujours cette démarche collective. Ces crises ont provoqué des départs et des arrivées. Le Soleil compte désormais 28 membres et chacun est à la fois comédien, technicien, administrateur. Alors, pour répondre à son ambition artistique et à ses contraintes financières, le Théâtre du Soleil devait impérativement trouver un lieu. Et voilà que ce jour d'été 1970, cet endroit tant rêvé où toute la dimension collective et égalitaire du Soleil pourra s'exprimer est trouvé. Un lieu de travail et de représentation, un lieu de vie et un lieu pour l'art. Un lieu pour l'instant où tout reste à construire. La troupe l'occupe, puis le loue à la ville de Paris. Pour l'instant, rien ne prédestine cet espace à devenir une aire de spectacle. Il sert juste dans un premier temps aux répétitions de la troupe. Car depuis quelques mois, le Théâtre du Soleil prépare son nouveau spectacle, 1789. Nous allons faire un spectacle sur la Révolution française de 1789. C'est un programme ambitieux quand même. Difficile. Oui, c'est ambitieux. Enfin, disons, oui, bien sûr, c'est ambitieux, mais c'est difficile. Mais je. Enfin, disons que c'est un assez long travail qui nous a amené à travers d'ailleurs les contes populaires, comme ça, où on s'est aperçu, nous pensons nous être aperçus que finalement la Révolution française était un. Nous semblait être un patrimoine. Commun à tous les Français, contrairement à toute une littérature ou tout un répertoire théâtral qui ne semble pas être partagé. Et donc que l'on peut essayer d'éclaircir et d'éclairer. Pendant la préparation de ce spectacle, la troupe se rend compte qu'elle est portée par une nouvelle envie. Non plus celle de raconter des histoires, mais de s'attaquer aussi à la grande histoire. À force d'improvisation, qu'Ariane Nouchkine considère comme le pivot du travail de l'acteur, de lecture d'ouvrages, de discussions, le Théâtre du Soleil écrit ensemble cette nouvelle pièce sur la Révolution française, racontée par la voix du peuple qui l'a faite. Elle la joue une première fois à Milan, au Piccolo Teatro, où elle rencontre un grand succès. Pourtant, de retour en France, aucune proposition ne vient. Alors, dans un mélange de fougue et de nécessité, le Soleil décide de jouer la pièce là où elle la répète, en cet été 1970, autrement dit, à la cartoucherie de Vincennes. On appelle les amis, les proches, les connaissances, tous mettent la main à l'ouvrage, et en 3 semaines, la cartoucherie prend des allures de théâtre. Le temps des dernières répétitions, de la promotion du spectacle, et voici la première de 1789. Elle peut avoir lieu, et elle a lieu en plein hiver 1970. Ce 26 décembre, la tension est grande. Il fait un froid terrible. La neige et la boue achèvent de donner à la cartoucherie une atmosphère de bout du monde. Le public va-t-il venir jusque-là pour le spectacle? Un par un, par groupe ou solitaire, eh bien les spectateurs arrivent. Déjà, Ariane Nouchkine et le Théâtre du Soleil les accueillent à l'entrée, puis dans le foyer. Déjà, les comédiens se maquillent et s'habillent devant le public. Déjà, le spectateur est partie prenante du spectacle, puisqu'il est au centre de l'espace, debout, face à toutes ces petites scènes disposées dans la salle, depuis lesquelles les acteurs s'adressent directement à lui. Alors, tous voulurent écrire au roi, pour lui dire ce qui était bien et ce qui était mal, et qui était bon et qui était méchant. Avis à la population, notre bon roi Louis XVI, par la grâce de Dieu, invite tous ses bons sujets à lui écrire sur un cahier qu'on appellera cahier des doléances, à lui écrire toutes vos misères, tous vos maux et toutes les injustices. Écrivez-lui vite. Je reviendrai prendre le dit cahier dans une heure. Voilà, le bouche à oreille fera le reste. Le succès critique et public de 1789 est total. En cette année 1970, 6 ans après sa naissance, le Théâtre du Soleil a trouvé dans un même mouvement sa maison et la consécration. Pour autant, les difficultés restent nombreuses. La troupe va-t-elle réussir à tenir son mode de fonctionnement et parviendra-t-elle à se renouveler artistiquement ? Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et il vantait devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, un qui de partout me fait la guerre. Temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. C'était trop clair semé, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Le mal ne s'est pas seul venu, tout ce qui m'était à venir m'est à venir. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes. Qu'est-ce qui se passe actuellement du côté d'Ariane Nouchkine ? Quels sont vos projets ? Où en êtes-vous de cette entreprise qui a été couronnée de succès avec 1789 ? Vous avez déplacé un ministre. Oui. Disons qu'on a surtout déplacé un public très nombreux. Oui. Ce qui était beaucoup plus important que déplacer un ministre. Et enfin, quand vous me demandez ce qui se passe du côté du Théâtre du Soleil, alors du côté du Théâtre du Soleil, il y a une menace très claire qui est qu'en juin, on arrête. Voilà. Vous arrêtez complètement ? On arrête. C'est-à-dire on continuera de jouer 89 et 93 en tournée parce que nous aurons des dettes qu'il faudra payer Et une fois ces dettes épongées, on arrêtera. Bien. Cela est dû, je peux arriver à expliquer, cela est dû tout simplement au fait que la subvention qui nous a été allouée cette année suffit à peine à payer 4 mois de salaire. Après 1789, la troupe se lance dans la suite avec 1793. Et cette fois, les critiques sont plus partagées. À droite, on parle de la nullité de la pensée, la niaiserie du propos, la limite de ce théâtre qui se veut à la fois populaire, politique et collectif. À gauche également, on est critique, on dénonce cette fois le manque de consistance idéologique du théâtre du soleil, l'absence d'engagement sur les idées en cours, marxistes ou maoïstes. En réponse, le soleil, eh bien, passe à autre chose. Ce sera l'âge d'or, spectacle hommage à l'acteur comme créateur, où la commedia dell'arte et le masque sont à l'honneur. Et là, le succès revient. Nous sommes en 1975, et comme l'a dit Mnouchkine, la troupe est à son adolescence. Oui, 10 ans après sa création, tous sentent qu'il faut un nouvel élan, une nouvelle aventure, une manière de se régénérer, de retrouver le plaisir de créer. Ce sera par le cinéma. Avec un film sur Molière, une manière de dire et de raconter l'histoire de l'homme de théâtre en même temps que celle de la troupe comme une mise en abîme. Un film de plus de 4 heures, présenté au Festival de Cannes en 1978 et qui ne laisse pas la critique insensible. C'est vrai, le film contient de très grandes beautés. Mais à mon avis, et je ne suis pas le seul à partager cet avis, il y en a beaucoup qui partagent cet avis avec moi, veux-je dire, ces beautés souffrent d'être trop longues, trop longuement exploitées. Je crois qu'il y a une espèce d'ivresse. Je crois qu'au cinéma, il faut absolument avoir la modestie, l'humilité de couper, de laisser énormément de choses sur ce qu'on appelait dans les studios américains le cutting room floor, c'est-à-dire le plancher de la salle de montage. Il faut laisser tomber beaucoup de choses, il faut élaguer le plus possible. Vous savez tous que Molière mourut le 17 février 1673, après la 4e représentation du Malade imaginaire. Il était né à Paris en 1622, et notre histoire commence lorsqu'il avait 10 ans, il y a 346 années de cela. L'accueil critique est dur à encaisser pour l'équipe du Soleil. Et on regarde sous un jour nouveau les créations de cette troupe. N'est-elle pas trop ambitieuse, trop sûre d'elle? Certains reprennent ici leur critique sur le manque de dialectique des œuvres proposées par cette troupe, sur son manque d'intérêt politique et artistique. Oui, l'aventure est belle, les objectifs louables, mais la troupe ne fonctionne pas trop en autarcie, sorte de communauté utopique qui toucherait là ses limites. Bref, fermée. Évidemment, le feu des critiques s'attaque aussi à la figure tutélaire de la troupe, Ariane Mnouchkine. On parle toujours du Théâtre du Soleil comme d'une troupe à égalité où tous participent à la création, à l'administration, à la technique. Mais qui est capable de citer un acteur, un technicien? Non, le seul nom qui vient à l'esprit, c'est celui de la metteur en scène, Ariane Mnouchkine. Derrière la façade démocratique, n'y aura-t-il pas un péril autoritaire? Quelque temps après le film Molière, son interprète principal, Philippe Cobert, membre historique du Théâtre du Soleil, quitte la troupe. Il tente l'aventure tout seul avec une série de spectacles qui justement racontent les coulisses de la cartoucherie. Comme on peut le constater au moment de la promotion du spectacle, l'ombre de Mnouchkine plane entre les lignes des réponses du comédien. Bon, ouais. Bien sûr, ce qu'on se demande, Philippe Cobert, c'est est-ce que c'était un petit peu pour secouer cette tutelle extrêmement encombrante. Il faut bien dire qu'Ariane Mnouchkine est une des personnalités les plus fortes depuis Villars, par exemple, on pourrait prendre ce critère. Hein. Oui. Et est-ce que vous en avez eu un petit peu assez d'être dans l'anonymat de cette troupe? Je ne sais pas si c'est secouer le cocotier. Oui, bien sûr, Ariane ou l'âge d'or, c'est un spectacle comique sur Ariane, sur le Théâtre du Soleil. Donc, pour faire rire les gens, il faut secouer le cocotier, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est méchant? Je crois pas que ce soit méchant, non. Enfin, il y a toujours de la... C'est cruel, sans doute. Méchant, ça, je crois pas. Je crois que j'ai trop de... Malgré tous les ressentiments ou les amertumes que je pourrais avoir, je crois que j'ai quand même trop d'amour, d'affection, d'admiration pour Ariane, pour toute son œuvre et tout ça, pour que ce soit la méchanceté qui prenne le premier plan. Ça, je crois pas. Au même moment, Ariane Mnouchkine se voit proposer de prendre la tête du Festival d'Avignon. Elle refuse. Malgré les critiques, les départs, les crises et les difficultés financières que rencontre la troupe, elle sait que sa vie est ici, au soleil de la cartoucherie et non de la Provence. La metteur en scène a toujours refusé de parler d'œuvre pour qualifier son travail d'ailleurs. En réalité, son œuvre est là, sous ses yeux, sorte d'ouvrage total, c'est-à-dire humain et artistique. Alors comme elle a toujours fait, la troupe repart sur les routes de la création par le travail, l'invention, l'innovation. Hasard ou coïncidence, c'est à partir de ce moment, en 1979, que le musicien Jean-Jacques Lemaître arrive au soleil. Depuis ce jour, il accompagne tous les spectacles de la troupe et lui donne un nouvel élan. Le théâtre du soleil cultive sa différence, comme l'explique Mnouchkine. Il est vrai que ce qui me semble un peu différent, mais je vous répète, je ne vis pas dans d'autres groupes, donc je me rends mal compte, c'est que nous vivons une certaine expérience. Je crois qu'on essaye de ne pas être trop... qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre ce que nous essayons de dire dans les spectacles et puis la façon dont ils sont faits. Ça oblige à une certaine égalité, dans la différence d'ailleurs, qui n'est pas si facile que ça à trouver dans la pratique, parce que dans la théorie, tout c'est facile. Dans la pratique, c'est évident qu'il est fort probable qu'on a encore énormément de progrès à faire. Le théâtre du soleil se nourrit maintenant des influences asiatiques, s'ouvre à l'écriture contemporaine avec la collaboration d'une auteure, Hélène Sixous. Il entame des cycles avec les auteurs antiques pour les Atrides ou classiques avec la trilogie de Shakespeare. Il se confronte à des sujets historiques comme l'histoire du Cambodge avec l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, des sujets contemporains avec le sang contaminé dans la ville parjure. Autrement dit, la troupe devient elle-même auteur d'œuvres, sans cesse traversée par les grands thèmes humanistes que défend ce théâtre, comme dans Les Éphémères ou Le Dernier Caravansérail. Dans ce spectacle, un drap bleu couvre la scène. Il ondule et forme une mer de toile. Au milieu, un bateau de fortune tangue, à l'intérieur duquel les comédiens naviguent. Une image parmi des centaines d'autres qui restent en mémoire du spectateur. Car la grande force du soleil est là, dans les couleurs, les danses, les costumes. L'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe se rencontrent, se percutent, fusionnent. De création en création, la troupe du soleil poursuit sa folle aventure, celle d'un théâtre généreux, créateur d'images, de l'intime au grandiose, de l'épique au sensible, du souvenir jusqu'à l'histoire. Hélène Sixous raconte cette création guidée par Mnouchkine, collective et ambitieuse. Il y a la plupart du temps des conciliabules entre Ariane et moi, mais au commencement de ce commencement, il y a des idées qui traversent le cerveau fulgurant d'Ariane sous la forme de vision, c'est-à-dire que elle voit comme ça, comme une annonce, l'épiphanie ou l'apocalypse, si vous voulez, du prochain spectacle. Et puis on ne connaît pas la fin, bien sûr. Si on connaissait la fin, au fond, on figerait quelque chose. C'est-à-dire que l'esprit d'aventure et l'angoisse, l'incertitude, etc., s'évaporerait et il y aurait déjà quelque chose qui s'assoirait, qui se figerait. Alors, vraiment, la fin, on ne la connaît jamais. Loin d'être un refuge ou un abri, la cartoucherie de Vincennes a été voulue dès le départ comme un lieu ouvert, un lieu d'accueil et d'échange. Comme si le miracle de la découverte de ce lieu devait lui être rendu tout au long de son histoire. Sorte de monastère laïque, le soleil se veut république. Si l'on a parfois critiqué son absence d'enracinement idéologique en fonction des époques, la troupe a répondu dès son origine par un engagement sur le terrain, concret, pour être toujours un théâtre dans son temps. Que ce soit dès le début des années 70 avec Michel Foucault pour le groupe d'information sur les prisons par des actions concrètes, comme lors de la grève de la faim d'Ariane Mnouchkine pour la défense de la Bosnie en 1995, ou lorsqu'un an plus tard, en mars 1996, le théâtre accueille des familles de sans-papiers africains expulsés de l'église Saint-Ambroise et que 300 personnes s'installent à la cartoucherie, alors le soleil se fait citoyen engagé. Depuis hier, les jardins de la cartoucherie résonnent au son des cris d'enfants. Ils sont une cinquantaine. Après Saint-Bernard, leurs parents sont venus élire domicile dans les murs des théâtres du soleil et de la tempête. L'installation est précaire. Même matelas de fortune, même approvisionnement, tributaire des dons des particuliers et des associations. Au milieu des tables, installées dans la cour, la maîtresse des lieux, Ariane Mnouchkine, veille à tout. Nourriture, logement et morale. Sa cartoucherie n'est pas une forteresse, mais un abri où reprendre des forces. Il ne s'agit pas de faire un fort Chabrol, ils ne vont pas... Ils vont pas se barricader. Ils sont là, ouvertement, pour pas être dans la clandestinité, pour pas être dans les rues, comme on les a abandonnés l'autre jour, comme ça, après le centre de rétention, on les a sortis, on les a envoyés dans les rues, n'importe où, à la campagne. Ils se remettent un peu de leurs émotions, là. Ils se reposent un petit peu et ils peuvent réfléchir. Et les autres aussi peuvent réfléchir. Ça donne du temps. Cet engagement, cette ouverture se retrouve aussi dans les événements créés à l'extérieur des frontières par le soleil. C'est le cas pour Sihanouk. Nouchkine et son équipe se rendent au Cambodge pour présenter le spectacle avec une troupe de ce pays. Au fur et à mesure de ses expériences et de ses tournées à travers le monde, la troupe du soleil s'enrichit au fil du temps d'acteurs sud-américains, asiatiques, arabes, devenant une véritable tour de Babel réunie autour des rites, des méthodes, de la coopérative immuable. Au fur et à mesure, les contraintes initiales ont évolué avec l'arrivée de nouvelles personnes, les acteurs s'éloignant de plus en plus de la technique et les techniciens s'occupant principalement de leur domaine. Reste que chacun est toujours payé au même salaire, que tous continuent de laver le théâtre, de reconstruire les décors, de préparer à manger. Ariane Nouchkine, pour sa part, disparaît petit à petit du générique des spectacles. Elle n'est plus mentionnée comme metteur en scène, car à ce poste, c'est l'ensemble de la troupe qui s'y retrouve. Une manière de se noyer dans le collectif une fois encore. Cette légende autour du Théâtre du Soleil dure depuis plus de 50 ans, avec en tête cette idée simple et puissante qui vaut définition autant que manifeste et que répète sans cesse Ariane Nouchkine à ses amis, le théâtre, c'est l'art de l'autre. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright. It's alright. Little darling, the smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du Théâtre du Soleil. Notre invité, Julie Deliquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes metteur en scène, avec un E, ça se, voit, ça se voit pas à la radio. Hein. Metteur en scène, c'est vrai que c'est plus joli que metteuse en oui, scène. Oui, je trouve. Donc on va dire metteur. À l'origine du collectif In Vitro, dites-moi à ce propos, il y a comme un essor des collectifs de théâtre. C'est quoi l'idée du collectif de théâtre et pourquoi faire? Je crois qu'effectivement, on peut mettre derrière le mot collectif beaucoup de choses. Ça pourrait s'appeler compagnie. Je crois que ça a été à un moment donné, comme ça, à la fin vers 2000. Enfin, en tout cas, moi, c'était 2009. Une autre manière de repenser la place de chacun. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, et notamment celle du metteur en scène, qui était plutôt au milieu d'une équipe plutôt que devant elle, un peu bousculer l' ère pyramidale du metteur en scène, un peu, autoritaire, et revaloriser la place de l'acteur. Moi, c'est ça que j'ai mis, plus le fait qu'au début on est parti de rien et qu'effectivement les acteurs qui avaient fait des études de maths faisaient les fiches de paye, certains étaient au costume, d'autres m'accompagnaient à la scénographie, on trouvait notre scénographie dans les rues, enfin voilà, on avait une sorte d'art de la Chine comme ça ensemble, pour valoriser surtout ce qui serait plus tard les salaires de chacun, et qu'on voulait faire un théâtre dit pauvre, pour remettre un peu l'humain et l'acteur au centre de la création. Nous, c'est comme ça qu'on entend le mot collectif, plus le fait qu'on est arrivé à la création collective avec l'écriture de plateau. Du coup, l'acteur devient auteur avec le metteur en scène. Voilà. Mais je pense que ça pourrait aussi s'appeler compagnie. C'était plus une manière de se distinguer et d'essayer de trouver un renouveau entre nous. Est-ce que ça passe notamment par une certaine forme d'épure dans la scénographie, par exemple? Est-ce que ça peut passer par là? Est-ce que c'est pour vous une direction importante, ça? La scénographie arrive par la répétition et par le geste de l'acteur. Donc on va dire que c'est plus un élément qui accompagne le geste de création qu'un élément qui aurait été pensé par un tiers avant même que le travail commence. Donc l'idée, c'est que celui qui commence, c'est l'acteur, insufflé par « là, moi, je ne joue pas ». Il y a des collectifs où le metteur en scène joue. On va dire que moi, j'ai ma place de metteur en scène, les acteurs ont leur place d'acteur. Donc moi, je suis à l'origine du projet, mais je demande aux acteurs de s'emparer de cette thématique qui est la mienne, et après de prendre le pouvoir par rapport à moi. Et moi, je me destitue au fur et à mesure de la répétition, je les observe, je les accompagne, et puis au fur et à mesure, on se rejoint, on se rencontre, il y a la première représentation, et là, on reprend encore une autre phase, où après chaque représentation, je leur donne des notes, on retravaille le spectacle, moi qui suis dans la salle en tant que metteur en scène spectatrice, puis accompagnante de la représentation du lendemain. Donc on va dire que notre place à chacun mute au fur et à mesure en fait, de nos longues répétitions qui effectivement s'égrènent souvent sur pratiquement 9 mois. Mais c'est gagnant-gagnant parce que de toute façon dans une méthode dite classique, à partir du moment où il y a la première représentation, quelque part le metteur en scène, la pièce lui échappe un peu finalement. Il peut y avoir parfois quelques déchirures, donc c'est bien d'être précisément dans un collectif, ça évite au moins ça. Exactement, mais c'est pour ça que j'ai créé le collectif. Je crois qu'avant, j'avais effectivement une compagnie, je trouvais extrêmement bien ma place dans la répétition, et dans la représentation, je trouvais ça très cruel d'assister à un objet qui se disait fini. Alors évidemment, dans le spectacle vivant, c'est jamais fini, mais quand même, je trouvais que le travail devenait trop classique, ou même cette idée qu'avant, quelques semaines avant une première, il fallait faire une création lumière, une scénographie, tout ça, en fait, pour moi, devait se repenser différemment. Et je me suis dit que ce geste qui était peut-être pas fini justement, qui me fascinait en répétition, je devais le pousser jusqu'à une représentation qui serait effectivement bousculée chaque soir et mise en danger face aux spectateurs. Alors tout ce que nous venons de dire là pendant presque 5 minutes est vraiment frappé du sceau Théâtre du Soleil, je trouve quand même. Hein, il y a une philosophie du théâtre. Donc racontez-moi votre propre histoire par rapport au Théâtre du Soleil. Peut-être que c'est ce théâtre-là qui vous a donné cette vocation de femme de théâtre. Peut-être pas. Je sais pas. C'est quoi le lien entre le Soleil et vous? Le lien fort, c'est que moi, je viens donc du sud de la France. Enfin, j'ai grandi à partir de mes 11 ans là-bas et j'étais plutôt une spectatrice de cinéma. J'ai fait un bac cinéma, donc j'étais vraiment plongée dans les grandes œuvres cinématographiques et peu une spectatrice de théâtre. Par contre, j'étais une comédienne amateur, voilà, dans des cours du mercredi après-midi. Et pendant les grandes vacances, je montais à Paris et j'allais voir des spectacles. Et je suis allée donc l'année de mon bac, en 97, voir Essoudun des Nuits d'éveil au Théâtre du Soleil. Donc c'est exactement ce qui est dit dans le reportage avant. J'ai pris cette petite navette, je suis arrivée à la Cartoucherie et j'ai surtout été frappée par le fait d'arriver dans le théâtre et qu'on me serve des plats traditionnels tibétains. Je ne savais pas quand est-ce que commençait en fait le spectacle, s'il était déjà commencé. Je me rappelle être à côté d'une femme qui, je le comprendrai plus tard, était comédienne, mais je ne le savais pas, qui mangeait. Je me suis dit, elle habillait avec un grand manteau de fourrure, elle a une dégaine particulière. Et je me suis retrouvée assise à côté d'elle. Et donc le thème était justement d'être, c'était sur les réfugiés tibétains, donc qui étaient abrités dans un théâtre. Donc vu que nous étions dans un théâtre, le rapport entre le réel et la fiction était très proche. Et à un moment donné, cette femme à côté de moi dit « mais il faut les aider !» Et elle soulève comme ça le coussin qui était sous nos fesses, donc sur les petits bancs en bois. « Il faut les aider, il faut aller, il faut leur construire des lits !» Et là, je me suis dit « mais merde, mais oui !» Enfin, mais j'ai mis quelques secondes à comprendre que c'était une actrice à côté de moi, et j'avais en fait imaginé qu'il y avait une cinquantaine de Tibétains dans la salle à côté, qu'on avait en plus qu'on y avait habité dans cette salle-là. Donc en fait, il y avait comme ça une porosité entre le réel et la fiction que je ne pouvais pas connaître en tant que spectatrice de cinéma et qui m'a bousculée non pas à mon endroit de future comédienne, puisqu'à l'époque je pensais que je serais comédienne, mais qui m'a bousculée à l'endroit de la mise en scène, puisque la réalisation m'intéressait, et à l'endroit de la création. Et je me suis dit, cette chose que j'ai ressentie, je crois qu'il faut que je m'y accroche. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je crois que ça a accompagné en tout cas quelque chose qui a mis du temps à mûrir et qui a été le fruit de mes toutes premières improvisations avec le collectif In Vitro. Alors, collectif, improvisation, frontière poreuse entre le réel et la fiction, mais vous êtes une héritière d'Ariane Mnouchkine, ouvertement. Ben oui, mais alors je ne le savais pas. Ben je vous le dis, je vous confirme. Non, mais c'est vrai qu'en entendant le reportage, j'ai été frappée. Parce qu'après, on va dire qu'en termes d'esthétique, on ne partage pas le même théâtre. Mais en termes de pensée, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles je me reconnais. Plus effectivement, un retour en fait, de l'ère de faire ensemble, qui a été sûrement aussi des préoccupations... qui ont à voir avec les années 70 et les utopies qui ont accompagné cette époque-là. On va dire que nous, ça a été une autre forme d'utopie à nous, qui mute aussi. Hein. J'ai été très sensible à ça dans le reportage. Cette chose, elle est réinterrogée à chaque création. La place de chacun est repensée à chaque création, et que je pense que on essaye de faire mieux, de faire autrement. Et voilà, en ça, je me sens effectivement très proche de ce qui a été dit. Mais par ailleurs, vous me dites aussi, mais on peut avoir des différences en termes d'esthétique. Totalement, oui. Lesquelles ? Déjà, on peut dire que moi, j'ai une origine qui peut être similaire, c'est que j'ai fait l'École internationale Jacques Lecoq, donc qui mêle une trentaine de nationalités différentes la première année. Donc, on n'a pas la langue et on doit faire ensemble. Du coup, effectivement, ce qu'on trouve comme esthétique, c'est le masque, le clown, toutes ces choses-là corporelles qui m'ont pas influencé en termes d'esthétique, puisque ce ne sont pas du tout les formes que j'utilise. Par contre, qui ont influencé la façon de penser et de créer ensemble. Donc je pense que ce geste-là, il est commun en fait avec Ariane Mnouchkine. Seulement après, j'ai peut-être mon langage cinématographique aussi qui m'habite, et un travail quasi documentaire sur la société qui m'entoure. Donc c'est un théâtre qui est très pauvre, qui est très peu, il y a pas de costumes, il y a très peu de scénographie, il y a effectivement comme ça un doute sur ça joue pas, et voilà. Donc je peux dire que là-dessus effectivement on a des esthétiques très différentes. Bon, alors évidemment, on a parcouru l'histoire du Théâtre du Soleil, ça donne envie de savoir où en est le Théâtre du Soleil aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore tous ces éléments qu'on vient d'évoquer? Je vous présente Annaëlle Verzo. Bonjour. Qui est reporter pour Affaires Sensibles, et on lui a posé la question. Alors quand on pose la question à un reporter, il y va, c'est sa fonction. Annaëlle, vous êtes donc allée voir Une chambre en Inde. Et la pièce Une chambre en Inde suit les questionnements d'Ariane Mnouchkine sur les difficultés qu'elle a à mettre en scène les grands enjeux actuels. Donc on a la guerre en Irak, en Syrie, Daesh ou la situation des femmes en Inde. Et vous avez rencontré les comédiens ? Oui, des jeunes et des moins jeunes. Certains sont là depuis 30 ans, presque toute une vie au soleil. Et vous avez eu de la chance parce que c'est toujours très enrichissant ça. Vous avez pu assister à l'une de leurs répétitions. On va entendre tout cela. Monsieur le prince à Cornelia, à Alep, il y a un coup de théâtre qui est répété il y a encore quelques semaines, sous les bombes. Il faut qu'on aille voir. Il répétait Richard Pan. Allons voir. C'est une scène de répétition avant le spectacle. Attention. Donc il y a Ariane Mnouchkine et trois comédiens sur scène. Attends ici, je vais t'envoyer des images. Mais fais attention. Aussi moche là. On a attendu un peu longtemps la projection là. La projection a attendu trop. D'accord. Ok, allez, on y va, mes chers, on a peu de temps. On continue ? C'est une vraie ruche là. Hein. Là, vous êtes en train de passer l'aspirateur. Voilà. Oui, tout à fait. Et en même temps, vous êtes comédienne, non ? Oui. Et vous jouez au théâtre ? Ce soir ? Oui, tout à fait. Mais c'est mon chantier de la mise en place, en fait. On a tous des chantiers. Ah, voilà Sébastien. depuis la Ça fait combien de temps que vous avez intégré la troupe? Moi, ça fait 15 ans. 15 vous aviez ans. Quel âge au début? J'avais 30 ans, juste 30 ans. Est-ce qu'il y a une évolution depuis 15 ans? Bah, on va dire déjà, il y a une évolution personnelle, parce que comme le Théâtre du Soleil, c'est aussi comme une espèce d'école, on grandit en tant que comédien. Donc j'ai commencé tout petit, avec vraiment des tout petits rôles, presque invisibles, de jeunes qui passaient, un jeune réfugié. Et déjà ça, ça me permettait de voir nos anciens, là, qui sont des piliers, et qui ont plus d'expérience. Ça me permettait de les regarder, de prendre du temps à voir comment ils travaillent. Et j'ai appris énormément, simplement en étant à leur service, finalement. Alors là, pendant qu'on parle, il y a les décors qui se mettent en place. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que, alors on s'apprête à rentrer dans les loges et il y a des espèces de draps qui sont suspendus comme ça, des draps blancs avec des trous, des espaces dans lesquels en fait des on peut voir. Des ouvertures où les gens peuvent aller espionner. Voilà, c'est-à-dire que le public arrive et se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et parce en fait, ce sont les loges. Bien éclairé derrière et donc les gens passent la tête. À partir du moment où les spectateurs rentrent, on est déjà, on va dire, presque en représentation. On n'est déjà plus nous-mêmes, on est déjà le personnage en train de se préparer. Donc généralement, après, on ne se parle même plus. En tant que moi, Sébastien, on va m'appeler par le nom de mon personnage, parce que ça fait partie du rituel et ça fait partie de la concentration aussi personnelle. Alors on va rentrer. Attention, donc là, on est en train de pousser ce drap blanc et on rentre. Chacun a son petit espace, c'est en longueur, avec des petites boîtes en porcelaine. Voilà, Manouai, qui est donc ma femme, qui vient de Hong Kong. Vous, votre loge, elle est où? Juste là. Juste là. Petit chez nous. C'est ah, petit c'est votre petit chez vous. Ah oui, vous êtes tous les deux à côté. On est à côté. On est l'un à côté de l'autre. Vous avez choisi votre emplacement tous les deux. Voilà. Et donc, vous vous êtes rencontrés ici. On s'est rencontrés ici. C'est souvent ce qui arrive. Ouais. Il y a des familles Théâtre du Soleil, du coup. Il y a des familles Théâtre du Soleil, oui, oui. Des comédiens qui sont ensemble, qui ont voilà. des enfants. Voilà, qui ont eu des enfants ici. Elles ont donc souvent joué avec le gros ventre, parce qu'elles ont joué alors qu'elles étaient enceintes, mais ça allait pour le personnage. Et puis après, elles ont été remplacées au moment de l'accouchement et après la période de repos. Et puis après, elles revenaient. Elles se mettaient donc un faux ventre après, puisque leur personnage avait un vrai ventre de femme enceinte. Donc le personnage est resté ainsi. Après, donc elles avaient un faux ventre. Là, c'est l'heure du déjeuner. C'est une paella qui a l'air délicieuse. Paella aux pâtes. Paella aux pâtes. C'est vraiment mon rêve, en étant italien. Lucho, ça fait 30 ans que vous travaillez là. Oui, oui, oui. Je suis entré en 1987 avec le spectacle L'Indiade ou l'un de leurs rêves. Du coup, je vous imagine mal maintenant quitter le Théâtre du Soleil. Ben c'est... On s'est dit jamais, je vous imagine mal quitter votre mari, votre femme. C'est quelque chose qui fait part de ma vie. Bien sûr, à un moment, ça se... Je le quitterai, il me quittera, je ne sais pas. Mais je ne me pose pas cette question-là. Je me pose la question d'être au présent, d'aimer ce que je fais et de recevoir voilà, une recherche théâtrale qui m'est très chère. Bon appétit. Merci. Du coup, je vous ai mis en retard. Non, ça va. Merci. Voilà, c'est l'hiver. L'ouverture du théâtre et le début du spectacle des comédiens eux-mêmes, une heure et demie, avant le début de l'autre spectacle. Voilà, petite balade dans les entrailles du Théâtre du Soleil. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julie Deliquet, ce que vous venez d'entendre? C'est drôle parce que ça me ramène vraiment à la première fois, encore une fois, 20 ans en arrière, ouais. Et je me revois aussi regarder les comédiens qui se préparent. Non, effectivement, j'avais peut-être pas, avant aujourd'hui, réalisé en fait le pont qui pouvait se faire entre la nouvelle génération et celle-ci, ne serait-ce que sur l'égalité des salaires, par exemple, que nous aussi, on pratique, que les aventures que j'ai pu vivre en tant que... Alors, moi, je n'ai pas de lieu, mais je suis pas mal artiste associée, et notamment, j'ai commencé en fait ce genre de partenariat avec le TGP de Saint-Denis dans le 93 et Jean Bellorini qui est vraiment un enfant Mouchkine qui a travaillé, qui a commencé là-bas au Théâtre du Soleil et c'est vrai qu'il a fait que je pense que ça a généré effectivement des formes théâtrales et des esthétiques très différentes mais un retour à la troupe qui était quand même une notion moi quand j'étais étudiante de théâtre, c'était assez ringue de dire troupe en fait, alors que maintenant alors on dit troupe, on dit collectif, on dit compagnie, on dit groupe de travail, c'est quelque chose qui est plutôt dont on se revendique. On pourrait dire bande aussi. Tout à fait. Et puis c'est souvent des bandes d'école. Hein. Je crois qu'on a voulu retrouver ce geste de liberté qu'on connaît dans les écoles de théâtre, où on est tous ensemble, où on a œil extérieur, on regarde les autres travailler. Et cette chose-là, quand on commence à être intermittent et à faire des projets dans le grand bain du métier, on perd un petit peu ce geste premier qui est tellement grisant. Anne Verzo, j'ai l'impression que vous avez eu quand même une liberté de travail au Théâtre du Soleil. Je dis ça parce que c'est pas facile hein, pour des comédiens d'accepter des personnes extérieures pendant les répétitions. Parce que les répétitions, c'est intime. C'est là où on construit ce qui va être donné au public après ça. Ça oui. s'est bien passé, j'ai l'impression. Oui, ça s'est très bien passé. Ils m'ont vraiment laissé accéder absolument à tout. Alors, jusqu'au début du spectacle, donc ce qu'on entend à la fin du reportage, c'est-à-dire le moment où Ariane Mouchkine frappe à la porte, où là, bon, elle m'avait dit il faudra être discrète avec le micro pour ne pas choquer les spectateurs. Bien, Julie Deliquet, alors effectivement, c'est pas une autogestion, c'est une gestion collective, hein, avec effectivement un statut égal pour chacun, et ça passe par les salaires, mais est-ce qu'il y a une limite à ça? Regardez, on le disait pendant le récit, oui, le Théâtre du Soleil, n'empêche que le nom qu'on connaît, c'est celui d'Ariane Mouchkine. Est-ce qu'il y a des limites à ça? À un moment donné, le besoin d'avoir quelqu'un, qui soit pas forcément une figure tutélaire, mais encore moins un guide, hein, mais quelqu'un, voilà, quelqu'un. Il y a une limite à ça, effectivement. On va dire que moi, dans la première partie de l'histoire du collectif, j'en ai pas vu, mais parce qu'aussi, on était presque dans un travail anonyme. On l'a fait beaucoup d'abord, on a répété dans des garages. Moi, je les ai amenés à la campagne. On a fait des choses comme ça, on était presque nos propres spectateurs parce qu'on cherchait un geste commun. Et puis, une fois que ce geste-là, il a été vu, effectivement, moi aussi, je pense que mon nom... In vitro à son identité, mais mon nom, Julie Deliquet, a aussi le sien et c'est la sienne. Et c'est difficile, effectivement, de voir comment les choses se transforment. Il y a une forme d'utopie à laquelle je ne crois plus tout à fait, parce que je me dis aussi, c'était quand même moi à l'origine, avec une histoire que j'avais envie de raconter à travers les autres, et que ce geste-là, si je le perds, je ne sais pas non plus ce que notre identité va devenir. Donc j'ai besoin aussi de retrouver le désir chez moi. Je me suis aperçue, par exemple, que tous mes acteurs travaillaient avec d'autres. Ce que j'encourage, moi, par C'est-à-dire exemple. Avec d'autres metteurs en scène et d'autres histoires théâtrales. Et je me suis aperçue que c'était aussi le fait de se confronter à d'autres qui fait qu'à l'intérieur d'In Vitro, on se retrouvait pour retrouver une vie commune. Et la seule qui ne le faisait pas, c'était moi. D'où mon aventure cette année à la Comédie-Française, où je me suis dit, attention, on a besoin chacun de se nourrir pour se retrouver, et moi encore plus, puisque la seule chose à la rigueur que nous ne partageons pas, c'est l'origine du projet, qui va devenir notre projet, mais qui, au départ, est le mien. Et que ce geste premier, j'étais obligée de le trouver dans le travail. Donc, effectivement, le mot collectif, il existe à un moment donné, quand on est ensemble et qu'on travaille. Et puis des fois, c'est mon nom aussi qui existe tout seul, parce qu'il y a une forme de d'engagement théâtral, d'obsession, qui sont aussi les miennes, ne serait-ce qu'en termes d'esthétique. Je pense qu'on l'a trouvé ensemble, mais il y a quelque chose qui reste aussi mes démons ou mes problématiques, que je ne trouverais pas par contre sans eux et sans ce qu'ils sont chacun pour leurs particularités et leurs différences. Mais vous leur faites faire des expériences intéressantes. Et effectivement, il y a la campagne, vous leur avez fait tourner un film, plein crois. Plein de films, oui. Racontez-moi une expérience comme ça, originale. Je pense que la plus grande qu'on ait faite, on emmène d'autres là en ce moment, mais j'ai peut-être pas suffisamment de recul pour en parler. La plus grande, c'est effectivement cette chose de les avoir amenés dans la maison de campagne de chez mes parents. Je les ai fait arriver, donc on n'avait pas commencé nos répétitions en personnage. Je leur avais donné des personnages, ils avaient juste eu le droit de s'envoyer un mail, ceux qui se connaissaient en tant que personnage, pour se dire bon ben voilà, moi je vais m'appeler comme ça, je fais ça dans la vie, etc. Et je leur ai fait une impro qui a duré 7-8 heures, où ils ont traversé comme ça une journée à la campagne, et il y avait un des acteurs qu'ils ignoraient, qui avait fait une formation agricole et qui pouvait s'occuper de la stabulation de la ferme d'à côté, qui donc savait traire les 90 vaches. Et on a vécu en fait cette journée ensemble, en mêlant fiction et réalité. On fait pas ça tous les 4 matins, hein, mais pour trouver en fait comment après notre première création collective allait s'articuler autour d'un souvenir commun qu'on avait vécu et qui serait le début d'une nouvelle histoire. Merci infiniment, Julie Deliquet. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Théâtre du Soleil, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. C'était une rediffusion d'Affaires Sensibles sur France Inter. Si vous en voulez encore, rendez-vous sur franceinter.fr et sur votre enceinte connectée Alexa.